que je suis incapable d'être une adulte raisonnable. Je joue de tout. La musique, je la respire sans jamais me soucier du pire et de tout. Je m'en la vraie vie. Ils disent que ma passion m'aveugle et qu'un jour je finirai seule avec mes souvenirs. Moi, quand je ne rêve pas, je suis comme m'aveugle et qu'un jour je finirai seul avec vous.